En Corée du Sud, selon le journal d'internet Tongil News, les partis de l'opposition, y compris le parti démocrate Dobro, ont condamné le 25 courant les autorités qui tentent de duper les victimes d'esclaves sexuels afin de les faire participer de force à l'organisation de la soi-disant fondation suivant l'accord sur le problème de l'esclavage sexuel au service de l'ancienne armée japonaise de nature humiliante. Par ailleurs, le même jour, les étudiants relevant du comité de mesure des étudiants pour l'invalidation de l'accord nippo-sud-coréen sur le problème de l'esclavage sexuel au service de l'ancienne armée japonaise ont tenu devant le siège du grand parquet de Séoul une conférence de presse contre les autorités qui répriment leur lutte pour la solution correcte du problème.